Ambassadeur. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible, le réveil culturel, votre réveil culturel, en ce mardi 9 juin. Dans un instant, on retrouve le sinologue Renaud de Spintz pour le deuxième épisode de notre série consacrée à la Chine d'aujourd'hui. La culture pop n'existe pas. Et puis en deuxième partie, je serai avec l'écrivain Antoine Audouard qui sort dans la collection blanche de Gallimard, Changer la vie. Mais tout de suite, notre tête chercheuse, Renaud de Spintz. La culture pop chinoise n'existe pas. Deuxième épisode avec Renaud de Spintz, sinologue et qui vit à Pékin depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, on va parler des livres dans les librairies en Chine, des maisons d'édition et puis aussi des livres étrangers s'ils sont traduits. Comment ça se passe aujourd'hui? À quoi ressemble une librairie en Chine aujourd'hui, Renaud de Spintz? Déjà, ce qui frappe, c'est que ce sont des capharnaüms. Il est rare d'avoir des livres qui vont être classés, par exemple, selon leur popularité. Souvent, ils vont juste être classés suivant les thématiques ou éventuellement la nouveauté. Et on a du mal à trouver de bonnes librairies chinoises avec, par exemple, des libraires qui connaissent vraiment leur métier. En revanche, vous avez une floraison époustouflante de livres. Les livres coûtent plus cher qu'avant, mais coûtent relativement moins cher par rapport au pouvoir d'achat qu'en Occident encore. Et vous avez quand même beaucoup de choses qui paraissent tous les ans. C'est quand même un énorme marché. Alors, qu'est-ce qui marche en ce moment en Chine? Ce sont les romans, ce sont les essais? Alors, un peu de tout. Vous avez, dans la littérature, dans les romans, bien entendu, vous avez aussi le même problème que chez nous, enfin le même problème encore plus important en Chine avec l'émergence de ces littératures Internet. Mais si on parle de culture populaire, ce qui s'en rapprocherait le plus, oui, il y a quand même quelques romans qui se rapprocheraient un petit peu de la culture populaire, et c'est par exemple ces romans de KPDP, notamment de cet auteur prolifique qui s'appelle Tin Yong, hein, qui écrit depuis les années, je crois, 70 ou 80. Donc là, c'est vraiment... Des romans de KPDP en Chine? Des romans de KPDP. Alors, plusieurs sont traduits en français. On peut les trouver. Hein. Mais dans l'histoire, se déroulerait où? Dans l'histoire, se déroule en Chine, à des époques plus ou moins reculées. Et alors, évidemment, ça fait écho. Bon, chez nous, on a la tradition des Trois Mousquetaires. Ils ont plusieurs romans historiques composés dès le XIIIe siècle, voire avant, qui ressemblent un petit peu à ça. Donc ça, c'est un auteur moderne qui est encore vivant, mais qui est extrêmement populaire à la fois. Alors, dans tout le monde chinois, c'est-à-dire Chine populaire, Hong Kong, lui vivant Hong Kong avant, et Taïwan. Donc ça, c'est un auteur véritablement populaire, et autant pour ceux qui sont nés dans les années 70 que encore maintenant ceux qui sont nés dans les années 90, on va dire. Et sinon, vous avez quelques grandes surprises de librairie. Alors, notamment, en 2004, vous avez eu cet improbable succès qui a été le Totem du Loup de Tian Zhong, dont Jean-Jacques Hano vient de tirer un film, Le Dernier Loup. Et là, c'est un auteur que je connais bien, qui a écrit un roman crypté qui a failli ne pas passer la censure. Donc il y a eu un jeu du chat et de la souris de la part de son éditeur, parce que c'est une personne qui avait passé plusieurs années en prison, plusieurs fois d'ailleurs, auparavant. Donc Pour des raisons politiques, pendant la Révolution culturelle et ensuite après le mouvement de 1989, le printemps de Pékin de 1989. Donc la révolte de Tiananmen. Voilà, de Tiananmen. Donc quand on a fait deux fois de la prison et qu'on a un nom relativement connu, on ne peut pas publier en Chine. Donc il s'appelle Lu Tianmen. Siamin, cet auteur. Et il a publié sous un pseudonyme, Tian Zhong, et son éditeur, qui avait l'habitude des livres un petit peu sulfureux, parce qu'il avait publié aussi un livre qui avait fait presque 100 000 exemplaires avant d'être rappelé, qui était le fameux Shanghai Baby, là, qui avait été considéré comme pornographique, qu'on trouve facilement en traduction française, qui avait été complètement arrêté. Donc là, il a fait attention. Les conférences de presse ont été faites sans l'auteur, pour que l'auteur ne soit pas identifié. Et les journalistes ont été invités sans savoir de qui il s'agissait. Donc le livre, ensuite, a une exposition médiatique extrêmement forte. Pourquoi il raconte quoi, ce roman ? Alors, il raconte une histoire pendant la révolution culturelle d'un jeune instruit. En fait, évidemment, c'est l'histoire de l'auteur, hein, qui part en Mongolie intérieure et qui, là-bas, donc en plein délire maoïste, hein, et qui, là-bas, fait la connaissance de la culture mongole. Donc déjà, ça, c'est transgressif, parce qu'en Chine, les relations entre la majorité Han et les minorités sont pas toujours faciles. Donc déjà, il tombe en admiration devant la culture mongole. Et ensuite, il tombe aussi en admiration devant la nature, et notamment devant les loups. Enfin, c'est un moment où la nature existe encore en Chine. Elle était beaucoup dégradée depuis. Il y a des steppes immenses et il y a des meutes de loups. Et il les observe et il est frappé. Et ça lui forge un petit peu sa conscience politique. Puisque, comme tout le monde, il s'imaginait que les loups étaient des animaux sanguinaires et nuisibles. Et c'est ce que disait aussi la propagande de l'époque. Et dans le roman, c'est assez poignant parce qu'on voit ces campagnes d'éradication de loups. Alors qu'il se rend compte que c'est l'animal qui protège la steppe, puisque la vie de la steppe, c'est une fine couche d'herbe, hein, sur un sol qui est assez fragile. Donc les gazelles broutent l'herbe, et si on laisse les gazelles brouter, c'est fini, ça se transforme en désert. Donc les loups et les Mongols qui luttent contre les loups font partie de cet écosystème. Et il se rend compte en plus que, parce que lui, subissant la révolution culturelle, que les loups sont plus intelligents. Enfin, il les voit plus intelligents, plus solidaires, moins sanguinaires, moins cupides que l'homme. Donc, au deuxième degré, une critique du régime où l'auteur parle un peu de son itinéraire, mais sinon, ça donne un livre populaire, lu au premier degré. Exactement. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il a réussi aussi, c'est qu'il a fait très attention de tout crypter et de mettre un livre qui peut se lire comme le livre le plus populaire en Russie, qui est Vladimir Arseniev, Dersu Uzala. Hein. Ouais. Ça peut se lire comme un Dersu Uzala, d'une certaine manière. Et ça, ça a été un choc. C'est le roman qui s'est le plus vendu dans l'histoire de Chine, hein, probablement autour de 20 millions. Hein. Et il y a eu un choc, puisque même certains communistes qui étaient la cible de ce roman, notamment les militaires, ont adoré ce bouquin, et donc ont empêché que ça soit, in fine, censuré. Est-ce que l'auteur a été réhabilité, maintenant qu'on sait qui se cache derrière le pseudonyme, c'est-à-dire un dissident? Alors, il a qui pas a fait de la prison. Il n'a pas été réhabilité, il n'a pas pu aller recevoir un prix de littérature qu'il avait obtenu à Hong Kong. Mais tout le monde sait qu'il en est l'auteur. Oui, bon, mais en gros, il a passé une sorte d'accord avec le pouvoir de ne rien dire, de ne plus faire aucun activisme. Lui, maintenant, il ne vit que par son œuvre. Donc, il a accepté ça et il n'est pas ennuyé par les autorités. Mais il doit se tenir quoi ? Et puis, les autorités font appel à un réalisateur français, Jean-Jacques Hano, pour adapter ce film. Est-ce que ça se fait dans la Chine d'aujourd'hui de demander à des cinéastes étrangers, ça peut être aussi à des chefs d'orchestre étrangers, de venir s'installer en Chine pour partager leur savoir-faire ou pour mettre leur notoriété au service de la culture chinoise ? Oui, alors ça se fait beaucoup et dans tous les corps de métier. Et vous avez tout à fait raison. Quelquefois, c'est une question uniquement de notoriété. Par exemple, vous avez des bâtiments à Shanghai qui ont censé été construits par un architecte français. En fait, cet architecte n'a passé qu'une semaine dans les restaurants, invité par les architectes chinois qui mettent son nom et sa photo, mais qui font tout le boulot derrière, qui ne se servent que de la notoriété. Donc ça, vous avez ce qu'on appelle jouer le blanc. Et vous avez aussi, et ça c'est une politique aussi consciente de la part des autorités chinoises, le fait d'essayer d'acquérir du savoir-faire de l'étranger. Et est-ce que les livres du monde sont traduits en Chine, arrivent aux Chinois ? Oui, alors il y a beaucoup de livres qui sont traduits en chinois. Depuis assez longtemps, il y a tout un mouvement de traduction qui a commencé à la fin du 19e siècle. Donc les plus grands classiques sont traduits. Certains sont très bien traduits, certains sont très lus. Il y a 2 ans, par exemple, on parlait même du livre qui était offert par un des hommes politiques montant en Chine, qui était Wang Qishan, qui est maintenant devenu le chef de la discipline du parti et qui proposait à tous ses invités de lire « De l'Ancien Régime et la Révolution » d'Alexis de Tocqueville, par exemple. Et en chinois, bien entendu, mais une très bonne traduction. Pour les romans, c'est pareil. Même les romans contemporains, on peut trouver du Amélie Nothomb traduit en chinois. Alors évidemment, Stan Ellis, je ne sais pas, je vous donne des oui. exemples. Alors Amélie Nothomb, par exemple, je ne sais pas si elle est déjà traduite en chinois, mais vous avez plusieurs auteurs contemporains qui sont traduits en chinois, mais c'est un travail assez difficile. Mais oui, c'est relativement dynamique. Et vous avez certains secteurs d'édition, par exemple les livres pour enfants, dans lesquels la demande chinoise est tellement importante que vous avez vraiment énormément de... En plus, c'est pas très difficile de traduire un livre pour enfants par définition, il y a moins de textes. La plupart des livres pour enfants sont traduits en chinois. Et pour terminer sur les romans étrangers en Chine, est-ce que la censure est toujours aussi présente ou pas du tout? Ou moins? Alors, la censure est de facto un peu moins présente sur les romans étrangers. Parce que les romans étrangers, en général, ne parlent pas de la Chine déjà. On peut parler de drogue, d'homosexualité, de sexualité, tout ça ne dérange plus les autorités ça chinoises dépend. D'aujourd'hui. Ça dépend, c'est un petit peu à la tête du client. Quand on vit dans un régime de censure, on se rend compte que la première caractéristique de la censure, c'est d'être imprévisible et injuste. C'est-à-dire que quelquefois, il y a une œuvre qui peut passer, on ne sait pas pourquoi, et puis d'autres fois, ça passera moins. Sur l'homosexualité, vous devez avoir Gide qui doit être traduit. Mais, traduit mais peut-être que si vous présentez un auteur contemporain avec des scènes homosexuelles relativement crues, peut-être que ça posera problème. Mais peut-être pas aussi, ça dépendra quelle est la notoriété de l'éditeur, quel est le tirage, etc. Et pour terminer cet épisode, Renaud de Spence, est-ce que vous avez un écrivain chinois contemporain que vous suivez, que vous aimez, que vous voulez nous faire découvrir? Alors, il y en a plusieurs. Donc, j'ai cité Tiang Zhong, donc le totem du loup que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y en a. Moi, je suis assez charmé par l'humour chinois quand il s'exprime. C'est relativement rare parce qu'il a été assez réprimé. Et vous avez des auteurs extrêmement drôles. Dans les classiques, parce que ça c'est déjà une œuvre des années 50, c'est la citadelle assiégée de Tian Chongshu qui est vraiment hilarante. Et sinon, traduit en français. Et c'est traduit en français. Et dans les auteurs très contemporains et aussi traduit en français, vous en avez plusieurs de ce qu'on appelle la génération Internet, donc qui ont commencé, notamment en raison de la censure, à publier d'abord sur Internet. Et certains d'ailleurs ne sont pas complètement publiés dans leur pays, etc. Mais vous en avez un qui a écrit par exemple un livre qui s'appelle... traduit en français « Oublié de Chengdu »,« Mujong Suetsun », qui décrit de manière extrêmement acerbe, avec beaucoup d'humour, le trajet d'un Chinois lambda, de sa jeunesse, un petit peu golden boy, dragueur, qui se tombe toutes les nanas, jusqu'à la fin où il finit seul, battu par la mafia, dans la rue. Enfin, une sorte de métaphore de ce système d'enrichissement chinois et de consommation. Jusqu'où peut aller la consommation? Jusqu'au caniveau dans la rue, la gueule en sang. Un petit peu ça. Merci beaucoup Renaud de Spence. On se retrouve demain. Demain pour parler de la culture pop chinoise qui n'existe pas. On parlera de la musique et des exceptions Hong Kong, Taïwan. À demain. À demain. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Les voix des femmes et les voix des hommes ont dû se taire pour longtemps. Ne croyons plus au lendemain qui chante. Changeons la vie ici et maintenant. C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente. Changeons la vie ici et maintenant. Antoine Audouard, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu pour nous parler de votre dernier livre. Le changement, c'est maintenant. Ça vous rappelle bien sûr quelque chose. C'était, il n'y a pas si longtemps, le slogan du candidat François Hollande. Ce qu'on a peut-être oublié, ce que vous avez peut-être oublié, parce que vous êtes peut-être plus jeune que nous, c'est le slogan du candidat François Mitterrand en 1981, « Changer ». La vie. Si je peux me permettre de vous rectifier, cher Tofik, c'était pas le slogan de Mitterrand qui, je crois, était de la force tranquille. Exactement. C'était le slogan du PS. C'était le slogan du PS. C'était partout avec le point et la rose. Donc c'est bien. Donc on a compris, Antoine Audouard, que c'est le titre de votre roman. Ce n'est pas un roman de souvenirs seulement, ni un réquisitoire pour solder ces années-là. C'est beaucoup mieux. C'est un roman d'apprentissage qui fait briller les illusions de la jeunesse et les déceptions de la vie. Un roman écrit avec plein de musique dans la tête, car plutôt qu'une histoire qui se déroulerait dans la France de 81, vous avez préféré envoyer vos personnages à New York, le temps d'un été qui sera décisif pour eux, pour s'affirmer, affronter les contradictions du monde, telles qu'ils l'ont rêvé, mais telles qu'il les a trouvées. Est-ce que c'est vos souvenirs, cher Antoine Audouard? C'est des souvenirs inventés. J'étais à New York pour la première fois en 82, l'année d'après, un peu comme mes personnages. Hein. Je suis un peu plus vieux qu'eux, j'avais 25 ans, ils en ont une vingtaine. Avec toute une mythologie qui est celle du jeune Français en Amérique, faite de jazz, de Dylan et de rock, pensant rencontrer tous ces gens. Et je n'ai fait que passer à New York, où j'ai résidé bien des années plus tard, beaucoup plus récemment. Mes vraies sensations de New York sont plus récentes. Mais est-ce qu'on peut dire que ce voyage à New York a été, comme pour les deux protagonistes, de changer la vie, votre roman, décisif, un été où vous êtes passé de l'âge de l'innocence à celui d'adulte? Pas du tout. Ouais. Et mes amis qui l'ont lu sont persuadés que c'est totalement autobiographique, notamment la partie féminine. Je pense que j'ai passé mon été à rencontrer des filles plaisantes, qui est sûrement le cas, mais il n'y a pas du tout eu ce que je raconte là. C'est sans doute la littérature, entre autres choses, l'expression du regret. Et la fiction, c'est comme vous le dites à un certain moment, ou comme un personnage le marque dans son journal, c'est le mensonge qui laisse toujours passer un rayon de lumière vers la liberté. C'est une phrase du journal de Junger. La fiction ne peut pas mentir si ce n'est par rapport à ses propres règles, qui sont de justesse et d'émotion. Et la musique? On oublie souvent que le punk est né à New York avant d'être exporté à Londres, de faire fortune là-bas pour des raisons sans doute de marketing, qui n'ont en fait rien à voir avec la musique. Donc mon héros qui s'attend à croiser Dylan, Patti Smith et Lou Reed, qui à la place rencontrent les Ramones. Ça m'est pas arrivé, mais j'ai reconstitué. Et tout compté, je trouve ça vraiment fascinant. Quel regard portez-vous sur ces années-là, Antoine Audouard? C'est une manière aussi à moi de vous poser la question, pourquoi revenir sur ces années-là aujourd'hui? Parce que c'est une rhétorique permanente. Celle du changement, c'est pas une rhétorique spécialement de gauche ou de droite. Elle était de gauche à l'époque. Aujourd'hui, elle pourrait être de droite, voire d'extrême droite. Je trouve que c'est intéressant à quel point cette rhétorique du changement ne change pas. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre la France socialiste de Mitterrand et celle de François Hollande. Il y a, à mon sens, surtout un parallèle entre la France socialiste de Mitterrand et l'Amérique conservatrice de Reagan et l'Angleterre conservatrice de Thatcher. C'est des sociétés qui ont suivi plus ou moins la même évolution. Ces années 80, les années Mitterrand, Reagan, Thatcher, c'est les années où les inégalités se croisent dans ces pays-là d'une façon incroyable, quelles que soient les politiques, comme s'ils pouvaient faire tous les discours qu'ils veulent, mais qu'au fond, ça ne changeait pas grand-chose. D'un autre côté, ce n'est pas spécialement la politique qui m'a amené au roman, c'est la maladie. J'avais subi un AVC, j'étais hémiplégique gauche, je me suis réveillé, paralysé du côté gauche. J'ai pas fait 10 ans de psychanalyse pour découvrir que j'avais envie d'écrire un roman sur fond de victoire de la gauche, dont les héros étaient gauchers. À partir de là, une chose a amené une autre. Les choses se sont enchaînées d'une façon, par des images. J'ai une sorte d'image qui m'est venue très vite, c'était une image incongrue, celle du point à la rose et du slogan socialiste sur un mur new-yorkais. C'est une image de fiction qui m'a bien guidé. À Paris, le chantre de la fête socialiste prônerait bientôt la rigueur, laissant à son ministre de la Culture le privilège d'organiser les festouilles. Dans les années suivantes de cette présidence de gauche, jamais l'écart entre riches et pauvres ne se creuserait autant, de même que dans les États-Unis de Reagan et l'Angleterre de Thatcher. Comme si, en dernier ressort, comme on dit dans la théorie léniniste, tout ça ne faisait pas une si grande différence et que notre seul vrai choix, c'était de chercher sur quelle bande-son nos rêves se briseront un par un et quelle quasi-invisible pièce de tissu nous avons par notre misérable existence ajoutée au grand kilt de la vie sur Terre. C'est un peu ce que je venais de vous dire. J'avais oublié que j'avais écrit. Ouais. Mais sauf que cette désillusion qui vient n'empêche pas que durant tout le roman, tout ce récit, tout ce voyage, tout ce côté apprentissage, découverte de la vie, il y a quelque chose de joyeux. Mais voilà, tout ce récit joyeux va se fracasser à un certain moment. Ou non. C'est vrai que de tous les livres que j'ai écrits, c'est sans doute le plus joyeux dans son ton. Comme si jusqu'à présent, je ne m'étais pas vraiment autorisé à laisser passer ça. J'espère que c'est le cas dans ma vie. Ma femme, mes amis, mes enfants pourraient vous en dire plus. Ma littérature était plus sombre que ça. Là, sans doute parce que ce livre-là, je suis passé tout près de ne pas l'écrire. C'est vrai qu'il m'est venu avec une sorte d'allégresse paradoxale, vu le fond, mais parce que même s'il y a... C'est un roman des désillusions. C'est pas parce qu'il y a des désillusions qu'il faut être triste et refuser de vivre la vie, la regarder d'un œil sombre. Puisqu'on pourrait en pleurer, on peut aussi bien en rire. Et la musique dans tout ça, est-ce que c'est resté intact? Comment tous ces morceaux qui ont accompagné vos 20 ans, Antoine Oudouard, comment ont-ils évolué dans votre mémoire, dans votre cœur aussi? Une bonne partie, je les ai découverts en faisant le livre. Parce que cette musique-là, je la connaissais mal. Je ne l'aimais pas. J'aimais pas les punk anglais, ils m'effrayaient un peu, je les trouvais pas très intéressants. J'étais resté très Beatles et Stones, plus classique. Donc j'ai redécouvert tout ça avec beaucoup d'intérêt. Il me semble que dans la version américaine, c'est plus intéressant que dans la version anglaise. Pourquoi ? Plus proche de ce qu'était le rock ou de ce qu'est parfois le rap aujourd'hui. Une sorte d'expression à la fois personnelle et sociale, assez violente et assez sincère. Diriez-vous que la vie de New York dans les années 80, c'était aussi le rêve qui allait s'arrêter, qu'ensuite cette ville allait totalement quitter son rôle de ville qui teste tout, de ou ville... Pas. Il me semble qu'elle continue à sa façon. Ouais. Elle m'a beaucoup fait penser au Paris médiéval. Au Paris qui m'a fasciné, celui du XIIe siècle. J'ai écrit un roman, je crois, uniquement pour pouvoir évoquer ça. Une ville qui est une sorte de vaste chantier où d'un côté tout se détruit, de l'autre tout se construit. C'est ça la force de New York. Elle ne cesse d'être ça, à toutes les époques. Aujourd'hui aussi ? Oui, il me semble, ça continue. Et quand vous pensez à tout ce qui s'est passé dans les années 80, début des années 80, en 82, donc lorsque vous avez fait ce voyage, Antoine Audouard, vous n'avez pas l'impression que la ville s'est embourgeoisée, que les artistes l'ont désertée, que ça devient de plus en plus une ville-musée qui a son passé, qui fait fructifier son passé plutôt que d'être dans ces villes qui bougent et qui risquent de faire bouger encore le monde? Non, ça n'a pas cette impression. C'est vrai, certainement moins que Paris. Ah bon? Comment il continuait à y avoir dans la rue new-yorkaise une cohabitation assez étonnante qu'il y avait dans le Paris populaire il y a encore quelques années, mais qui est en train de disparaître de façon assez radicale ici, entre des gens non seulement d'origine totalement différente, mais aussi de conditions sociales totalement différentes. Ils n'habitent pas au même étage, mais ils habitent encore au même endroit, pour beaucoup. Et puis ce livre qui va nous projeter dans cette époque-là, c'est-à-dire les années 80, il commence quand même dans la France de François Hollande. Parce que c'est celle où je me suis réveillé. Antoine Audouard, quand je vous ai demandé de choisir une musique pour parler de toutes les musiques qu'il y a dans votre roman, Changer la vie, vous avez choisi les Stones. Oui, parce que c'est la première musique de rock que mon héros entend, c'est une des premières que j'ai entendues moi, c'est les Stones version d'origine. Quand vous les voyez aujourd'hui? Je préfère ne pas aller les voir. Il paraît que j'ai un peu tort, que c'est pas si mal. Comme mon héros, je les ai vus pour la première fois en 71 au Palais des Sports à Paris. Il y avait des filles qui jetaient leurs t-shirts sur scène pour Mick Jagger. Ouais. Je suis resté là-dessus, dans l'impression visuelle et dans la musique. Merci beaucoup d'être passé ce matin, Antoine Audouard. Je rappelle que c'est dans la collection Blanche de Gallimard que paraît votre dernier roman, Changer la vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Un autre jour est possible à retrouver sur franceculture.fr. À la page de l'émission, vous pourrez même podcaster cette interview d'Antoine Audouard. Demain, on se retrouve avec Renaud de Spence en début d'émission pour notre série consacrée à la Chine et à la culture pop qui n'existe pas dans la Chine pop. Et en deuxième partie, je recevrai le metteur en scène Mehdi Charef. Merci d'être de plus en plus nombreux à réagir sur le site de notre émission et à demain.